إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وأشكر جميع الحاضرين وأشكر من قام أو سعى في إقامة هذه الجلسات. Je remercie donc tous ceux qui ont aidé à organiser ces assises-là. Et Inch'Allah, ceux qui sont derrière, ils avancent devant. Et Inch'Allah, يتأدبون ولا يقولون ولا يعني ولا يتكلمون بصوت رفيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث que beaucoup ne connaissent pas ce hadith là والله أعلم. C'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit إياكم وهيشات الأسواق. Beaucoup de gens se mettent devant la mosquée ou alors au fond de la mosquée ou alors debout ou assis et ils font beaucoup de bruit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, craignant ce mal qui est d'élever sa voix et de faire un bruit de fond dans les mosquées, il a dit « Iyakum wa hishat al-aswaq ». Yani, je vous mets en garde contre le bruit des fonds des mosquées, les bruits que font, hein, qu'on fait dans les marchés. Donc, Inch'Allah, nahnu, la qulna bi annana nattabi' sunnat al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si on dit qu'on suit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il faut suivre aussi ses paroles. Il faut faire attention aussi à ceux qui nous ont mis en garde. Un adab à voir avec la mosquée. Et Inch'Allah Kamel, il va faire un dars sur les adabs, sur la mosquée. Inch'Allah, il va nous faire un dars sur les adabs, hein, qu'il faut avoir dans la mosquée. Yassar Allah Amarak. Donc, je remercie mes frères qui nous ont invités, hein, une deuxième fois. C'est notre deuxième voyage qu'on est venu ici. Barakallahu fikoum. On remercie aussi les frères qui sont venus écouter et qui pensent du bien de nous. On remercie tout le monde, car le prophète alayhi salatu wassalam dit La yashkur Allah, man la yashkur al-nas. Hein? Le prophète alayhi salam il dit Il n'est pas reconnaissant en Allah celui qui ne remercie pas les gens. Et ceux qui ont fait, et ceux qui ont organisé مثل هذه الجلسات مثل هذه الدورات إن صح التعبير ceux qui sont organisés ce genre d'assises cela faut beaucoup les remercier faut beaucoup les remercier il faut faire des dua en soujoud pour eux car ils donnent beaucoup de leur temps et ce temps là il a des répercussions sur la famille sur les enfants etc etc donc faites des dua inshallah que pour ces gens là donc ils ont fait ce khair. Inch'Allah, des conseils pour nous tous. Moi, le premier qui me met dedans. Des conseils qui vont nous motiver, Inch'Allah ta'ala, à prendre une adoration au sérieux. Cette adoration, c'est la recherche des études. La recherche, yani, de la science. Talabul ilm. Vous connaissez tous les mérites de talab al-ilm. Ta'arifuna fada'il al-ilm jami'an. Lakin, mais beaucoup connaissent les bienfaits, mais ne trouvent pas les moyens pour étudier sérieusement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire, Inch'Allah, un rappel sur ça, asbab mu'ina ala talab al-ilm, c'est-à-dire des causes qui vont nous aider à rechercher cette science. Vous connaissez tous déjà fadl al-ilm, on va faire un petit rappel sur ça. Premièrement, qu'est-ce que l'ilm? Ah, qu'est-ce que l'ilm? Indakum. Indak fathay. Ma huwa l'ilm? De quel ilm on parle? On parle des mathématiques? L'ilm al-shar'i. L'ilm al-shar'i, jazakallah khair. C'est quel ilm qu'on parle? C'est le ilm al-shar'i. Le ilm, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qala al-salaf. D'accord? والذي يشتمل على ثلاثة أشياء: معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. Celui qui regroupe donc quoi? Trois choses: la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète صلى الله عليه وسلم، et la connaissance de l'islam avec ses preuves. Et inshallah, le ta'rif, c'est-à-dire la définition du ilm, est dans les deux bayts de Ibn al-Qayyim qu'il cite dans sa Nouniya: al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dhaka wa at-taqlidu yastawiyan. Al-ilm, c'est ça. Al-ilm ma'rifatul huda bidalilihi, c'est la connaissance de la guidée avec quoi? Avec son dalil, c'est-à-dire avec sa preuve. Ma'rifatul huda bidalilihi. Ensuite, il dit quoi, Ibn al-Qayyim? Ma dhaka wa at-taqlidu yastawiyani. Et cela, yani cette connaissance du ilm, yani cette connaissance, yani la connaissance de la guidée avec sa preuve, cela n'est pas équivalent avec le taqlid. Le taqlid que vous connaissez tous, qui est l'imitation aveugle, c'est-à-dire d'accepter la parole d'une personne sans lui demander sa preuve. C'est ça l'ilm. Donc on va essayer d'apprendre ça. Qu'est-ce que l'ilm? Je répète. L'ilm, ma'rifatul huda bidalilihi. Ma dhaka wa at-taqlidu yastawiyani. Ma'rifatu al-huda bidalilihi. Ma dhaka wa at-taqlidu yastawiyani. طيب. عندك فتحي صاحبي. C'est quoi l'ilm? طيب. Qui c'est qui? Tu parles arabe? طيب. C'est quoi l'ilm? Ma'rifat? Ma'rifat l'ilm? Non, l'ilm, c'est pas ma'rifat l'ilm. Ma'rifat ish? Ma'rifat l'huda bidalilihi. Yalla, répétez tous en même temps. Al-ilm. Ma'rifatu. Al-huda bidalilihi. Alors, on va pas faire l'autre partie, parce qu'après on va oublier ça. On va juste essayer de se souvenir de cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole en arabe? Vous avez appris une phrase aujourd'hui. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux me le traduire? Tu peux me le traduire? Ma'rifatul huda bidalil. Tu peux me le traduire, ça? Vas-y, traduis-le, moi. De là. Ma'rifatul huda. Je t'aime bien, c'est pour ça, t'es de mon pays. Hein, toi? La connaissance de la guidée avec sa preuve. Masha'Allah. Khalas, c'est enregistré. C'est pas on écoute, on sort, on n'a rien. Sah ou lala? On essaye de prendre, inshallah, habba habba. Donc c'est ça l'ilm. Est-ce qu'on parle des mathématiques? Non. Est-ce qu'on parle de la physique? Non. Ça c'est mérite, ça c'est chose. C'est de là, c'est ilm dunya, comme ils appellent ça, la science, les sciences d'ici-bas. Ça, c'est pas pour nous. Enfin, c'est pas pour nous. C'est pour les musulmans, walakin, nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ilm shara'i. Et pas ces ulum-là. Ces ulum-là, s'associe dedans le musulman et quoi? Et le non-musulman. Les autres sciences qui sont la physique, etc., etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des kuffars, et nous dit au sujet des non-musulmans: ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des non-musulmans: ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Aide-moi à traduire ça, mon frère. Ils connaissent l'apparence de quoi? De ce monde. C'est-à-dire, ils ont un ilm de dunya. Les non-musulmans, ils ont un ilm de dunya. Pourquoi? Parce que eux, khalas, l'akhira, Hein, l'au-delà, ils l'ont oublié. Donc ils se concentrent dans quoi? En gros, ils travaillent pour nous, quoi. Hein, ils travaillent pour nous. Hein, pour celui qui a compris. Donc, inshallah ta'ala, al-ilm, hein, vous retenez tous que c'est quoi? Que c'est ma'rifatul huda bidalilihi, la connaissance de la guida avec ses preuves. Al-adilla, les dalils ou les preuves qui sont venues dans fadlul ilm, qui sont venues dans les mérites de la science. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية واش كاين هذا الفيرسي ها إلو هذا الفيرسي كو جو نسيتي شهد الله أنه لا إله إلا هو ها الذين يقرؤون القرآن ويكثرون القراءة في القرآن Ali Imran, barakallahu fikum. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut dire déjà en français? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas hein, l'arabe. Ce verset-là veut dire Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Alors regardez ce verset-là. On va prendre de deux manières les mérites des gens de la science, de ce verset-là. Premièrement, Allah Jalla wa Ala dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm » Donc il nous dit « Allah atteste aussi et aussi les anges et les doués de science. » Les doués de science, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas mentionné dans ce verset-là. Il n'a pas mentionné les prophètes. Pourquoi il n'a pas mentionné les prophètes? Parce qu'ils sont où? Ils sont dans cette parole. Ulul ilm. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc voilà la première manière de savoir. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Qu'ulli oui ou non. Fahimtum hada? Fahimtum ou la'id? Je répète. Allah, Jalla wa Ala, il dit, Allah atteste. Et aussi les anges, il est dans la traduction. Et aussi les anges. Et les doués de science. Et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Les doués de science, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné les prophètes dans ce verset-là. Il n'a pas mentionné les prophètes dans ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont compris dans quoi? Dans les doués de science. Donc ça prouve quoi? Le mérite. Et Allah. Oh, c'est pas réveillé ce matin. Hein? Ça mérite quoi? C'est le mérite de quoi? Le mérite des gens de la science. La deuxième manière hein, de dire que les savants, de prendre ce verset-là et de dire qu'il y a un mérite sur les gens de science, c'est qu'Allah, il a joint son attestation, c'est-à-dire l'attestation du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de divinité par lui, à celle des anges et des gens de science. Allah, il a joint cette attestation à qui? Aux anges et aux gens de science. Et ça aussi prouve le mérite de quoi? Le mérite des gens de science. La deuxième verset. Khalas, on a fini avec Ayat et Al-Imran. Khalas, on se souvient de deux manières comment que Allah Jalla wa Ala a donné les mérites à des gens de science dedans. Tu peux me les citer? Anta. Khalli li wurak. Deux manières. Il y a le verset. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilm. Tadhkur ou lama tadhkur? Tu te souviens? Qui c'est qui peut? Il lève la main. Aujourd'hui, je vous haraj. Yallah. Regardez comment il suit, Allah ibn al-Karim. Dans le verset, Allah il ne cite pas les prophètes parce qu'ils sont inclus dans les. Il explique mieux que moi. Parce qu'ils sont inclus dans quoi? Dans les gens de. Dans les gens de science. Naam. Donc, ça, c'est la première preuve qui prouve que c'est un mérite. La deuxième? C'est qu'il joint son témoignage à lui, à celui des anges et des gens de science. Khalas, il a mieux expliqué que moi, ça? En vite fait en plus. Ça? Un bon point pour Al-Akh. Arnaud, masha'Allah, Allah ybarik. Le talab al-ilm, le fait d'étudier aussi, c'est un sabab, c'est une cause. Hein, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève dans cette dunya. Il t'élève dans cette dunya, il t'élève dans cette vie d'ici-bas, et il t'élève aussi dans l'au-delà. Le dalil, le verset. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Il est où ce verset? Ah. Surat al-Nur. Je ne connais pas quelle est Surat al-Nur. Mujadala, ahsant. Toi, je peux te donner de jahizan, c'est bon. Naam, Surat al-Mujadala. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré d'entre vous ceux qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ces degrés d'élévation, hein, ils dépendront de quoi? De la foi de la personne et de la science de la personne. Plus ta foi elle est grande et plus ta science elle est grande, plus Allah t'élève dans cette vie-là et dans l'au-delà. Il t'élève dans cette vie-là, regardez, dès que tu dis, par exemple, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce que tu dis juste après? Qu'est-ce que tu dis juste après? Rahimahullah. Regardez dans cette vie-là quand on dit Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce que tu dis juste après? Tu dis Rahimahullah, Cheikh Al-Islam, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal, il les a élevés dans cette vie-là, hein, en mentionnant leur nom et en disant que du bien. Est-ce que tu connais du mal, toi, de Cheikh Ibn Baz? Est-ce que tu connais du mal de ces gens-là, de nos savants? Abatan. Tu connais que le bien. Allah, Jalla wa Ala, même s'ils avaient fait des péchés comme tous les êtres humains, Allah Azza wa Jal, il les a protégés, il les a élevés, hein, devant, yani, à tout le monde et aux oreilles de tous. C'est vrai ou c'est faux que ce que je dis? C'est vrai, ça. Donc, si toi, tu veux qu'Allah Jalla wa Ala t'élève dans cette vie-là et t'élève dans l'au-delà, alayka bi talabati. Alors, accroche-toi à quoi? Hein? À la science et aux études. Allah subhanahu wa ta'ala, un autre verset qui nous prouve le mérite de talab al-ilm. Allah dit: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Que veut dire ce verset? Hein? Anta, yallah, harchoum. Yallah. Ndak ya Abbas, si vous assistez pas. قل هل يستوي الذين يعلمون. Ah bah خلاص, on parle qu'en arabe alors. Hein? Hein? قل هل يستوي الذين يعلمون. Sont-ils égaux? Ceux qui ont cru? Non, ceux qui ont su et ceux qui ne savent pas. Allah ne les a pas mis dans le même rang. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve le mérite de celui qui sait sur celui qui ne sait, sur celui qui ne sait pas. Ça suffirait. Wallah, rien que ce verset-là suffirait pour dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu te rends compte qu'une personne qui sait n'est pas comme une personne qui sait. Est-ce que quelqu'un qui connaît, hein, les détails de la religion, les détails de la croyance, les détails, hein, de la foi, les détails de ce qui va se passer fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà, le jour de la résurrection, est-ce que celui qui connaît tous les détails, est-ce qu'il est comme celui qui ne les connaît pas? Abadan. Le premier verset qui est descendu du Coran, c'est quoi? Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Qala ahlul ilm, hadha dalilun ala fadl al-ilm. Les ulama ont dit quoi? On dit que ça, c'était une preuve sur les mérites de la science. Puisque c'est le premier verset qui est descendu du Coran. Donc Allah, Jalla wa Ala, a fait que les gens qui savent, ne sont pas comme ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est un mérite des gens de la science. Taïb, un autre verset, qui est dans Surat Tawbah. Qui est dans Surat Tawbah. Qala Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ce verset-là, qui est un peu difficile aussi à traduire, ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous le cite dans Surat. Dans Surat Tawbah. Que veut dire ce verset? Allah Jalla wa Ala dit dans ce verset, dans la traduction donc, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. La ilaha illallah. Ce verset-là, il y a trois choses dans ce verset-là. Il y a trois choses qui vont nous prouver le mérite, le fadl, le mérite des gens de science. La première, c'est qu'il faut, même en cas de combat, qu'il reste une partie de gens qui partent apprendre la science afin d'instruire les enseignements religieux à leur peuple dès leur retour. Allah Jalla wa Ala, et qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin à ce moment-là? Il dit, si ça c'est obligatoire à ce moment-là, ça prouve que quoi? Ça prouve que soit c'est égal ou soit c'est mieux que le combat lui-même. Subhanallah al-Adhim. Ça c'est la première, la première manière de tirer donc la leçon du mérite de la science. Taïb. La deuxième chose, cela signifie également que l'importance de la science, elle équivaut à quoi? Elle équivaut à celle du combat, car elle était obligatoire à ce moment-là. Et la troisième chose, c'est une preuve, ce verset-là, c'est une preuve évidente, dalil ou wadih, à la makanat al-ilm, c'est donc une preuve claire sur la place qu'a la science dans l'islam. Donc ça c'est pour les versets du Coran et on peut en citer encore. Mais on va résumer inshallah ta'ala. On passe maintenant aux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont venus nous dire quoi? Qui sont venus nous annoncer les bienfaits et les mérites de la science. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui emprunte à une voie, سلك طريقا يلتمس به علما, celui qui emprunte une voie vers la science afin d'acquérir la science, سهل الله له به طريقا الى الجنه, Allah lui facilitera quoi? Lui facilitera la voie ou le chemin vers le paradis. Donc, talabul ilm, le fait d'étudier, le fait d'apprendre, c'est une cause de ton entrée au paradis. Et est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui ne veut pas le paradis? Là, on veut tous le paradis. Sah ou lala? As-Allah Azza wa Jal an yarzuqana al-jannata jami'an. Qu'Allah nous la donne, ce paradis. Qu'Allah nous donne ce paradis, qu'il fasse qu'on soit des gens sincères. Donc, regardez le mérite de la science par rapport à ce hadith là. Et un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'ir al-kawakib. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: la supériorité, yani dans la traduction, la supériorité ou le mérite du savant sur l'adorateur est comparable à la supériorité de la lune sur les autres astres, Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam il a donné cette comparaison? L'adorateur, ça veut dire que l'alim il est mieux que qui? Que quelqu'un qui fait que quelqu'un qui adore Allah du matin au soir, le alim il est mieux que lui. Pourquoi? Yallah indakum. Pourquoi? Assalamu alaikum. Pourquoi? Mashallah, vous êtes avec lui? Il dit quoi? Il dit parce que l'alim, il fait profiter quoi? Son œuvre, comme ils disent, son œuvre, son utilité, elle est, ta'addi, comme ils disent, aide-nous, ya sidati, tel, aide-nous, ya khouya. Moi, le français, c'est une catastrophe. Ouais, mais ta'addi, son. Voilà, des passes transitifs, c'est ça qu'ils disent. Une utilité publique. Le alim, il a une utilité publique. Parce que le alim, quand il vient, il enseigne, il enseigne à des gens la guidée, et cette guidée, elle peut être enseignée, etc., etc., etc. Regardez donc le naf'a du alim, l'utilité du alim, elle est beaucoup plus grande que celle de l'adorateur. Et pourquoi on dit qu'elle est plus grande que celle de l'adorateur? Parce que l'adorateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est utile à qui? À lui-même, c'est tout. D'accord? Avec les adorations qu'il fait. C'est déjà pas mal. Hein? Au moins qu'il ne fait pas de mal. C'est déjà une grande chose. Et des gens, hein, ni adorateurs et ni enseignants, pensent qu'à faire le mal. Un musulman qui pense qu'à faire le mal, et ça, c'est pas bon. Allah al-Musta'an. Et là, il y a un hadith que Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala, et c'est celui que je vais essayer de me concentrer un peu plus dessus, que Cheikh l'Albani, rahimahullah alayh, a rendu authentique dans Silsila Sahiha 3189. Et il faut bien se concentrer dans ce hadith-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit selon Abdullah ibn Sa'd, عن عبد الله ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. Le prophète alayhi salat wa salam dit dans ce hadith qu'on va traduire: vous êtes arrivés dans un temps, il s'adresse à qui? Aux sahaba radiyallahu anhum. Vous êtes arrivés dans un temps où il y a beaucoup de savants, fuqaha, beaucoup de savants dans quoi? Dans le fiqh, c'est-à-dire dans la jurisprudence, dans le halal et dans le haram, dans l'interdit et dans le licite. Vous êtes arrivé dans un temps où vous êtes dans un temps où il y a beaucoup de savants dans la jurisprudence et où il y a peu de prêcheurs, khutaba, hein, les prêcheurs du vendredi, ceux qui font la khutba et qui ont pour but, hein, de, hein, faire le rappel aux gens, et où il y a peu de prêcheurs et où il y a peu de questions. Pourquoi il y a peu de questions à l'époque? Pourquoi il y avait peu de questions? Tout était clair et c'était le Qurun al-Mufadhala. C'était les trois siècles, hein, où la majorité des gens, hein, avaient la science suffisante pour adorer Allah Jalla wa'ala. Et où il y a peu de questions de la part des gens. Et où il y a beaucoup qui peuvent répondre. Subhanallah al-Azim. On aurait bien voulu être dans ce temps. Allah, Masha'Allah. Où il y a beaucoup qui peuvent répondre. Regardez ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam. La pratique, yani faire les œuvres, les adorations, est mieux que l'apprentissage à ce moment-là. Et viendra un temps où il y aura peu de savants, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de khutaba, beaucoup de gens qui font les khutba, et où il y aura beaucoup de questions de la part des gens, et où il y aura peu de gens qui seront capables d'y répondre. L'apprentissage à ce moment-là est mieux que la pratique. Allahu Akbar. Ce hadith, quand je l'ai lu, j'ai pensé à ce temps-là. Pourquoi? Parce que ce hadith, fihi waqafat, il y a des arrêts à faire dans ce hadith-là. Lam yuhaddid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam az-zaman ath-thani. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit c'était quand exactement, mais il a donné les caractéristiques de quoi? De ce temps-là. La première chose qu'il y a dans ce hadith, qillatul fuqaha, qu'il y aura peu de gens, il y aura peu de savants. Peu de savants. Et aujourd'hui, on les compte, les savants, et on les compte sur les doigts d'une main, ou peut-être demain, Allahu a'lam, on les compte et ils sont très peu. Et qu'Allah, il les préserve. Car le jour où ils vont partir, Allahu musta'an, et déjà qu'ils ont déjà commencé à partir, et déjà qu'on a eu des très grandes pertes, Cheikh Mughbir, rahmatullah alayh, Cheikh l'Albani, rahmatullah alayh, Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, Cheikh l'Uthaymin, rahmatullah alayh, subhanallah, ils sont tous partis presque d'un coup. Les années se sont suivies, se sont succédées, hein, et ils sont tous partis. D'un coup, ces grands savants de l'islam. Donc il y aura peu, Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit dans ce temps-là, il y aura peu de savants. Kathratul khutaba. Et aujourd'hui on en entend beaucoup. Des gens qui font des khutba, des prêcheurs. Et que des gens aujourd'hui considèrent comme savants. C'est pas parce que mon frère, tu vois quelqu'un qui se lève sur un minbar, qui sait parler l'arabe, et que c'est forcément un savant. Là, un khatib, c'est un khatib. Et un faqih, c'est un faqih. Un faqih, c'est quelqu'un qui a poussé dans la science. Un savant, c'est quelqu'un qui a poussé dans la science. Il a ahfad al-Qur'an très jeune. Il a, très jeune ou même vieux, mais ala kulli hal, il a ahfad al-Qur'an. Il connaît les ahkam du Qur'an, c'est-à-dire les règles concernant le Qur'an. Il connaît le halal, il connaît le haram. Il est capable de donner une fatwa, il est capable de dire cette chose-là est halal, cette chose-là est haram. Et ces gens-là, ils sont peu. Tandis qu'un khatib, c'est juste quelqu'un qui te fait un rappel. Il peut avoir un petit peu de science, mais ce n'est pas un savant. Abadan. Donc il faut laisser les gens, il faut remettre les gens. Anzilun nasa, Aisha radiallahu anha disait, Anzilun nasa manazilahum. Laissez les gens à leur place. Yani. Mettez les gens à leur place. Qillat al-fuqaha. كثرة الخطباء كثرة الأسئلة لا حول ولا قوة إلا بالله كثرة الأسئلة le fait de beaucoup poser des questions. Et aujourd'hui on en pose des questions. Aujourd'hui on en pose des questions. On voit des gens qui font des khutbah de Jumu'a, leur téléphone il sonne toutes les 5 minutes. Et mon frère Yassa, et mon frère Yassa, et mon frère Yassa. Je suis à la boutique là, il y a la mayonnaise, il y a écrit vinaigre d'alcool. Hein, qu'est-ce que je fais? J'achète, j'achète pas. Hein, l'autre ensuite il arrive, est-ce que je peux me marier avec une telle? Parce que elle, elle a fait ça et puis elle a fait ça, mais maintenant j'ai envie de me marier avec elle. Toute, et wallah, et toute la journée tu les vois, ils répondent. Hein, et hada halal ou hada haram. Il y en a même qui ont fait des fatwas, il y en a même qui ont donné des fatwas que le mufti lui-même n'a pas voulu faire. Une fois une personne, regardez le khatar, ça aussi il faudrait expliquer ça. Regardez le danger. Que des fois, il y en a qui sont. C'est vrai, tu penses bien de la personne. C'est bien de penser une personne qui a du khair, qui est capable de t'enseigner hein, du bien. C'est bien de penser du bien de lui. Mais aussi, il ne faut pas le poser des questions qui sont au-dessus de, hein, au-dessus de ses capacités. Il y a une personne, une fois, elle a posé une question. Elle a posé une question à un étudiant. Et cet étudiant-là, il lui a répondu directement. Et ensuite, il a eu un doute, cette personne. Je ne comprends pas, moi. Déjà, pourquoi il pose la question, il a un doute. Pose directement la question au savant et laisse les gens tranquilles. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a posé la question à un savant. Après qu'il l'ait posé à qui? À l'étudiant. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le savant? C'était le mufti, Cheikh Abdelaziz. Il lui a dit, cette question-là, il faut qu'on se réunisse pour répondre. Et l'autre, il avait répondu. Hein. Bien. Mufti, hein, il dit qu'il faut qu'on se réunisse. Et l'autre, il a répondu directement. Ça, khatir. Attention, ta religion, mon frère. Attention, ta religion. Faut pas hein, déposer tes problèmes à tout le monde ou les raconter à tout le monde. Va vers les gens hein, qui sont capables de poser la question aux savants. Ou va vers les gens de confiance qui sont capables de t'éclaircir ou de donner une voix dans telle ou telle chose. Et hein, ne suis pas aveuglément celui qui directement a une barbe ou il a un kamis hein, et dit deux paroles en arabe et khalas. Là, pas comme ça. Taïb. Donc, beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on s'en pose beaucoup de questions. Qillat al-mu'atin. Il n'y en aura pas beaucoup qui pourront répondre à ces questions. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit Talabu al-ilmi khayrun min al-amal. Ce hadith, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, le fait d'étudier, c'est mieux que quoi? Que de vrai. Mais sachez qu'aussi, étudier, il ne faut pas comprendre hein, mal le hadith. Ce hadith veut dire quoi? Veut dire que toi, les études te protégeront, parce que les études en elles-mêmes, c'est quoi? Les études en elles-mêmes, c'est une protection. Ismatun min al-fitan. C'est une protection contre quoi? Contre tout sujet de discorde. Wallahi, si quelqu'un, il s'occupe à étudier, il passe son temps à étudier, Wallahi, alhamdulillah, il sera protégé de beaucoup, beaucoup de fitna, c'est-à-dire beaucoup de sujets de discorde. Et ce hadith, il ressemble à l'autre hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'en son temps, si les compagnons, il dit, لو عملتم, regardez ce qu'il dit dans l'autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم. Le prophète, il dit dans un hadith, il parle aux compagnons. Il dit, si vous délaissez le dixième, écoutez bien, à son époque, il dit, si vous délaissez le dixième de cette religion, vous allez tous périr. Il dit, et il va venir un temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il dit, il va venir un temps pour les gens, لو أتوا بعشر هذا الدين لنجوا. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que viendra un temps où les gens, ils vont venir avec quoi? Ils vont venir avec le dixième de cette religion, hein, et ils vont être sauvés. Allahu Akbar. Vous savez pourquoi, Yahwan? Al-fitan. C'est ça, hein, sujet de discorde, les fitna, c'est ça. Les épreuves, les troubles, les tourments. Al-islam, min sabah ila al-layl. On entend l'islam. C'est devenu le plus grand problème de toutes les sociétés. Hein, on dit l'islam. Nuharib al-islam, la guerre contre l'islam. Et toi, tu essaies de t'accrocher à cette religion. Et tu crois qu'Allah, Jalla wa ala, il te voit là, hein, en 1400 combien? 30. 30, on est 39. En 1430, hein, pour pas donner l'autre tahir, pour pas donner l'autre tahir, tu crois qu'Allah Jalla wa Ala, il voit pas tes œuvres et il voit pas que toi tu t'accroches à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu crois que là, Allah Jalla wa Ala, il voit pas les efforts que tu es en train de faire pour cette religion, pour dîner l'islam? Wallah, Allah il les voit. Wallah, Allah il voit que t'aimes le. Allah il voit dans ton cœur et il sait dans ton cœur si t'aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que toi, tu essayes de lui ressembler. Fi hada zaman, fi zaman al-fitan, fi hada zaman, dans ce temps où il y a beaucoup de tourments, beaucoup de troubles, etc. Toi, tu essayes de t'accrocher à cette dîne islam et tu dis, Uhibbu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Allahumma ajma'na ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, Atadruna man ikhwani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous connaissez mes frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous connaissez mes frères? Les compagnons, ils disent, c'est nous tes frères, ya Rasulallah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, non, vous êtes mes compagnons. Il dit, mes frères, ikhwani, humul ladhina amanu bi wa lam yarawni. C'est ceux qui ont cru en moi et qui m'ont pas vu. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là, les frères. Et toi, aujourd'hui, tu es venu, tu t'es assis ici pour te rappeler, pour avoir un rappel de cette religion, parce que tu aimes l'islam, parce que tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un bienfait, hier. Ça, c'est un bienfait, wallah, et tawfiq min Allah. Il y a des gens à cette heure-ci, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à cette heure-ci? Ils font le mal. Ils dorment. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au bistrot. Hein? Quoi encore? Surtout dans ce pays, il y a tout. Hein? Quoi encore? Ils regardent la télé. Hein? Et toi, tu t'es levé. Tu es venu pour écouter un rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour écouter un rappel sur la religion. Ya akhi, ahmad Allah. Loue Allah. Loue Allah. Ça, c'est une grande œuvre que tu es en train de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui vient pour enseigner ou prendre un bien, yani prendre un khayr, il a la récompense d'un hajj complet. T'as la récompense d'un hajj complet quand tu viens et que t'écoutes un dars, mon frère. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Et l'homme est avec celui qu'il aime. Le prophète, alayhi salam, il dit, et l'homme est avec celui qui l'aime le jour de la résurrection. Talabu al-ilm khayrun min al-amal. Limada li anna al-fitan takthuru fi hadha al-zaman. وأعظم شيء يعصمك منها طلب العلم وطلب العلم عصمة من الفتن كما يقول شيخ الفوزان حفظه الله. Donc les études, le fait d'apprendre, le fait de rechercher la science, cela va te protéger de tous les mals, de tous les tourments de toutes les sociétés, quelle que soit, que tu sois, dans des pays musulmans aujourd'hui où il y a pareil des fitnas, ou que tu sois dans les pays, de nos musulmans, ou que là pareil aussi il y a également les tourments. بل قد علمتم جميعا ما هي أشد فتنة على الناس ألا وهي خروج الدجال، خروج المسيح الدجال. وعلمتم جميعا كيف أبصر ذلك الرجل تلكم الفتنة، ألا وهو قوله أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبصر الفتنة لأنه قد قرأ الأحاديث النبوية التي أشارت إلى أوصاف الدجال. Donc, vous savez tous la plus grande fitna qui va sortir. Vous connaissez tous la plus grande fitna qui va sortir. Cette fitna, c'est quoi? C'est la sortie du Dajjal. Dajjal, il va sortir. Et vous connaissez tous la parole dans le hadith que dit ce musulman qui verra le Dajjal. Il lui dira « Anta Dajjal » الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est toi le Dajjal dont notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé. Ça, les savants, ils ont dit, ça, c'est encore une preuve des mérites de la science. Pourquoi? Parce qu'il s'est informé. Il connaissait ça au Saf. Mais comment qu'il les a su? Il les a su en quoi? En lisant dans les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ces hadiths que tu lis, tu crois qu'il n'y a pas un ajr en les lisant? Et regarde, cette personne-là, elle saura ce qu'il Dajjal juste parce qu'elle a lu, juste parce qu'elle s'est renseignée, juste parce qu'elle s'est informée, juste parce qu'elle a étudié. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith-là. Hunaka fa'ida wa hiya qawluhu akhbarana qala ba'd al-ulama bi anna hadhihi al-lafza dalatun ala fadli ahli al-hadith بسبب أنهم أكثر الناس استعمالا لهذه الألفاظ وهي التي قد دلت على علم الأسانيد وما إلى ذلك. طيب cette parole أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est toi le Dajjal dont le prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé. Informé c'est quoi? C'est أخبرنا. Cette parole là ils ont dit les savants, ça c'était aussi une preuve du mérite des gens de la science du hadith. Pourquoi? Hein? Tu sais ça, Ali? Goulli. خلاص, ouais, خلاص, j'ai oublié. عندك عباس. C'est eux qui utilisent cette formule. Les gens du hadith, les gens de la science du hadith, vous savez que ils utilisent donc des formules dans les chaînes de transmission. Et cette parole-là, akhbarana, cette parole-là est utilisée par les gens du hadith. Ils ont dit que c'était encore une preuve du mérite des gens de la science du hadith. Pourquoi? Parce que c'est eux qui connaissent vraiment Ad-Dajjal. C'est eux qui connaissent vraiment Ad-Dajjal car ils connaissent bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa li hadha ayyuha al-ikhwa fal wajib alayna ar-ruju' ila tariqi salafina as-salih wa lan yaslih akhir hadhihi al-umma إلا بما صلح أولها كما قال الإمام مالك وذلك لا يكون إلا بطلب العلم النافع ومعرفة الأسباب المعينة إليه. Et c'est pour cela, mes frères, que l'obligation pour nous tous est de revenir à ce tariq et de revenir sur ce chemin, le chemin des salafs, le chemin des pieux prédécesseurs. Et où l'imam Malik, rahimahullah, disait يعني que la نعم اعينوني ها سيداتي عني شوي les derniers de cette communauté, c'est-à-dire nous, hein, on fait partie des derniers aussi, ne réussiront que parce que quoi ont réussi les premiers. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans cette vie-là, faut revenir à cette parole de l'imam Malik. Et si on regarde, nous, les œuvres des salafs, c'était quoi? C'était adoration, ibadah, ilm, ibadah, ilm, ibadah. Science, adoration. Science et pratique. Et c'est pour ça que j'ai entendu des savants de cette époque dire que la meilleure des œuvres que peut faire aujourd'hui un musulman, c'est d'étudier une question et de la pratiquer. La ilaha illallah. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide à revenir à ce tariq. L'imam Zuhri disait ما عبد الله بشيء افضل من العلم. L'imam Zuhri disait, hein, Allah n'a pas été adoré par une meilleure chose que la science. Pourquoi? Parce que la science est une lumière. Quand tu adores Allah Azza wa Jal avec la science, tu adores Allah Azza wa Jal avec une lumière et qui te met, hein, qui te montre les choses, hein, avec lorsque tu adores Allah Jalla wa Ala avec science, tu adores Allah avec lumière. Et celui qui adore Allah avec lumière, c'est-à-dire avec que ça veut dire que son adoration est bonne. Et si son adoration est bonne, il rentrera où? Il rentrera fil jannah insha'Allah ta'ala. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il disait talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyyatuh. L'imam Ahmed disait que le fait d'étudier, le fait d'apprendre la science, c'est la meilleure des œuvres. C'est la meilleure des œuvres. L'imam Ahmed, il disait que c'est la meilleure des œuvres, mais avec une condition. Liman sahhat niyyatuh. Avec la condition que tu aies une bonne intention. Car aujourd'hui, il y a des gens qui étudient, mais qui ont des mauvaises intentions. C'est pas aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui, c'était même d'avant. Ça a toujours existé, les mauvaises intentions. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed nous dit cette parole-là. Nous dit que c'est la meilleure. Parce qu'il n'y a pas une adoration dans l'islam, toutes les adorations que tu veux, il n'y a pas une adoration sans qu'elle passe par quoi? Sans qu'elle passe par Allah, par la science. Et c'est pour ça que le musulman doit donner un moment pour cela dans sa vie. Wa qala al-imam Ahmad ayda ta'allum al-ilm wa ta'limuhu afdal min al-jihad wa ghayrihi. L'imam Ahmad disait que apprendre la science, hein, était meilleur que le combat et toutes les autres œuvres. Bon. Hein? Et le fait d'enseigner. Le fait d'apprendre et le fait d'enseigner, ces deux choses-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith aussi, hein, et ce hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah, et il est sahih. Il dit man jaa ila masjidi hadha liyata'allama aw liya'allima khayran fa huwa bi manzilati al mujahid fi sabilillah. Subhanallah al-azim. Le prophète alayhi salatu wassalam disait à son époque que celui qui venait dans sa mosquée, la mosquée de quoi? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wasallam, la mosquée qui est à Médine, Masjid al-Haram. Il disait le prophète sallallahu alayhi wasallam, celui, hein, Masjid al-Nabawi, mais il l'appelle Haram, non? Haram, Haramain, صح? المهم خلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا que celui qui venait à la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم ليعلم او ليتعلم خيرا afin d'enseigner ou de prendre, hein, une science, فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. Il a le même degré, il a le même statut que le combattant في سبيل الله. Et vous connaissez tous les grands mérites du combattant في سبيل الله. سبحان الله العظيم. Ça, يا اخوان, on en entend beaucoup des hadiths, صح, dans les mérites de la science. On en entend beaucoup. Walakin al-amal. Mais l'œuvre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait la ya'dilu midad al-ulama illa dam al-shuhada. Cette parole, quand je l'ai lue, je suis resté bloqué dessus. Regardez qu'est-ce qu'il dit. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit la ya'dilu midad al-ulama, hein, midad al-ulama illa dam al-shuhada. Yani que l'encre, rien n'est égal à l'encre des savants. Et vous savez que les savants écrivent, hein? Rien n'est égal à l'encre des savants, sauf une chose, le sang des martyrs. Regardez l'importance qu'a donné, hein, ces savants. Hein? Le martyr, pourquoi on parle du martyr, du combattant? Parce que c'est quelqu'un qui a donné son âme, fisabilillah. D'accord, celui-là, il a donné son âme. Mais le alam, beaucoup de savants voient que le alam, l'imam al-Qayyim, hein, il a écrit un livre, il s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada. Ce livre-là, il y a 3 volumes. Il y a, si je me souviens bien, 1 volume et demi, si ce n'est pas 2 volumes, où il te donne les mérites de la science. En citant les hadiths du prophète. Barakallahu fi, jazakallahu khair. Allez, pense à moi. Jazakallahu khair. Hein? Le prophète, alayhi salatu salam, hein? Donc, l'imam Ibn Qayyim, afwan, il a écrit ces livres-là. Et ces livres-là, il y a les mérites de la science. Et si je me souviens bien, il y a presque deux volumes qui citent les mérites de la science. Et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui était un des plus grands savants de cette communauté. Rossi Arawas, c'est ça qu'on a entendu ce matin. Rossi Arawas, quand il allait chercher une question, Omar ibn Khattab, il disait Rossi Arawas, c'est-à-dire plonge, c'est ça, hein? Plonge en plongeur, va chercher la science. Regardez comment que il se concurrençait, hein, dans quoi? Dans la recherche, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il disait fa'ish bi'ilmin la tabghi lahu badala, an-nas mawta wa ahlu al-ilmi ahya'u. Allah, subhanallah. Il dit fa'ish bi'ilm, hein, vis avec la science. L'imam Ali ibn Abi Talib disait vis avec la science, la tabghi lahu badala, ne cherche pas une autre chose, passe, vis avec la science. Et il dit an-nas mawta, les gens ils sont morts, wa ahlu al-ilmi ahya'u, et les gens de la science sont quoi? Sont vivants. وهذه إن شاء الله بعض الأسباب المعينة على طلب العلم أو على هذا العمل العظيم، وهي نصيحة لمن ينقلها لكم، ونصيحة إلى كل مسلم يريد الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى كل من يتذكر الآخرة، إلى كل من يتوجه إلى حلقات العلم، إلى كل من لا يرتاح قلبه إلا عند هذه الجلسات، فهذه فرصة لي ولك للفوز في الدارين إذا عملنا بما نسمع. C'est pour cela qu'on va donc citer quelques causes qui vont nous aider à aimer la science et à étudier la science. Et c'est une nasiha, c'est-à-dire c'est un conseil pour celui qui vous le rapporte et qui vous le dit, et un conseil pour nous tous, inshallah jalla wa ala. أول سبب وأول أساس لمن أراد أن يحصل على العلم النافع هو الاستعانة بالله جل وعلا. La première, on va les citer après, attention. On va les faire répéter. Il y en a une note avec un stylo, masha'Allah. Qu'Allah les récompense. La première cause avec laquelle, ou la première cause qui va t'aider pour la science, c'est le fait d'implorer l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Le fait d'implorer l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pourquoi? لماذا? لأن العبد مهما عظمت قوته ومهما عظم تركيبه فهو ضعيف ولا حول ولا قوة له إلا بالله فإذا وكل إلى نفسه هلك وضاع، أما إذا وكل أمره إلى الله تعالى واستعان بالله على طلب العلم فإن الله يعينه. قال الله تعالى حثا لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دونك comme on a dit, pourquoi il faut implorer l'aide d'Allah? Parce que, en réalité, quoi que ta force, yani, peut dépasser, quoi que ton intelligence, elle peut dépasser, elle peut avoir, tu peux avoir une très grande intelligence, tu peux avoir une très grande force physique, etc. Et même des caractères, hein, forts, tout cela, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider, pourquoi? Parce que Allah Jalla wa Ala, il n'y a que lui qui te donnera cette force et qui te donnera cette puissance. Et c'est pour cela qu'on dit quoi? Hein? Dans l'adhan, qu'est-ce qu'on dit? Quand on arrive à Hayya ala salah, qu'est-ce qu'on dit? On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont dit, les savants, ça montrait quoi? Ça montrait l'humilité de la personne et le besoin de la personne qu'il a ou qu'il doit avoir face à l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons aide. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce verset-là? Cheikh al-Islam, il dit ta'ammaltu fil Qur'an afdal ad-du'a. Il a dit je me suis concentré, j'ai cherché la meilleure des du'a. Il a dit fawajadtuhu fi hadha fi al-Fatiha wa idha huwa qawluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il a dit j'ai médité sur le Qur'an et j'ai regardé quelle était la meilleure des du'a et il a vu que c'était dans la parole iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons aide. Ya'ni la astati'u an a'budak illa bi'awnik. Je ne peux pas t'adorer. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Je ne peux pas t'adorer que si tu m'aides. Subhanallah al-Azim. Et Cheikh al-Islam, c'est pour ça que Cheikh al-Islam, il faisait le dhikr du matin après le fajr et qu'un jour Ibn al-Qayyim en le regardant, il a vu faire le dhikr jusqu'à ce que le soleil s'est élevé presque au dhuhr, à la salat du dhuhr. Et il a regardé comment ils étaient l'élève et son professeur. Il regardait, il observait tout, qu'est-ce qu'il faisait, subhanallah. Il a même observé faire le dhikr. Il est venu vers lui, il lui a dit, Cheikh al-Islam, il lui a dit, « Hadhihi ghudwati ». Il dit c'est ça ma nourriture. Subhanallah. Imaginez-nous 10 minutes la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça dure combien de temps ça quand tu le fais? Combien de temps ça mise? Combien de temps ça mise? 3 secondes. Non, pas 3 secondes, ouais, la parole. Mais les 100 là qu'on fait le matin, ça prend combien de temps ça? Un quart d'heure, voilà, 10 minutes un quart d'heure, صح? Ibdra'. Il faut y aller pour les faire, Je ne sais même pas si on les a fait, tiens, ce matin. Allah musta'an. Regardez, ça, un quart d'heure de dhikr, on a du mal à les faire. Cette personne-là, il a fait le dhikr jusqu'à quand? Jusqu'au dhuhr. Mais la hawla wa la quwata illa billah. Mais subhanallah al-azim. C'est ça, c'est des gens qui se sont écrasés pour Allah, jalla wa ala. Ils se sont humiliés pour Allah, jalla wa ala. Il a fait le dhikr tout ce temps-là, pourquoi? Et ensuite, il lui a dit, c'est ça ma nourriture. Il a dit, si je n'ai pas ça, je ne peux pas faire de fatwa. Je ne peux pas faire de durus. Je ne peux rien faire. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Les taqwiyat al-ruh, afin de renforcer son âme, afin de renforcer son cœur. Et plus ton cœur est rempli de foi, plus le ilm va être nafa', plus le ilm va être, plus la science va être utile surtout. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, laissez toutes les œuvres qu'il a fait, Cheikh al-Islam. C'est le fait qu'il en rentre en prison, le fait qu'il a écrit ses fatwas, le fait que. Al-Muhim, laissez toutes ces œuvres de côté. Regardez juste cette œuvre-là. On prend une partie de sa vie juste cette il dit hadhihi ghudwati. Ça veut dire qu'il le faisait tous les jours, Cheikh al-Islam. Kana yasta'in billah ou la? Est-ce que il implorait l'aide d'Allah avec ça ou pas? Il implorait l'aide d'Allah, jalla wa ala. Donc regardez, pour avoir de la science utile sur toi-même et sur autrui, il faut avoir un bon support. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un cœur pur. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam purifiait son cœur. C'est pour ça que Cheikh l'Islam purifie son cœur. Wallahu jalla wa ala yaqul qad aflaha man zakkaha. Allah il a dit il a réussi celui qui l'a purifié. Na'am. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a purifié son cœur et son âme, le ilm, la science qu'il va apprendre va être utile sur lui. Hadhihi ghudwati. C'est ça ma nourriture. Subhanallah. Et ça c'est une partie de la vie de Cheikh l'Islam. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il faisait combien? 300 rak'at par jour. Jour et nuit. Il y en a qui disent c'est pas possible. Wallahi l'azim, c'est possible. Tu prends une rak'at, tu dis une minute. Comment que ça fait? Comment que ça fait? Ça fait combien? C'est simple le calcul. Ça fait 5 heures. 5 heures. Tu mets 2h30 de rak'at, 2h30 le matin et 2h30 le soir. Et mais ils connaissaient 700 000 hadiths. 700 000 hadiths. Il y en a, ils ont dit 800 000. Et il y en a, ils ont dit 1 million avec la répétition. Et les hadiths, c'était pas seulement le texte, c'était aussi la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des vrais ordinateurs. Mieux qu'un ordinateur. Lui corriger même. Subhanallah. Ces gens-là, donc, les savants, si on regarde la vie des savants, ista'anu billah. Ils ont imploré l'aide d'Allah. Et celui qui implore l'aide d'Allah, wallahi la yakhib. Celui qui implore l'aide d'Allah, Allah l'aidera. Allah l'aidera. Alors toi, mon frère, quand tu cherches à connaître un verset du Coran et que tu n'arrives pas à le comprendre. Ou que tu cherches à comprendre un hadith. Est-ce que tu as fait cette chose-là auparavant? Est-ce que tu as demandé l'aide d'Allah ou tu t'en es remis que à ta tête? Tu as dit, moi, je suis plus intelligent que l'autre. L'autre, il comprend rien. Hein? Subhanallah, moi j'ai vu des gens qui n'étaient pas intelligents. Wallah. Et Talab al-Ilm, ça les a rendus intelligents. Subhanallah al-Azim. Pourquoi ils étaient mukhlis? Il y avait une personne, Wallahi, je l'ai connu, il avait du mal à écrire son nom. Mais j'ai dit, je ne peux pas avoir une patience comme il a lui. Voilà, impossible. Il a insisté, c'est un Français, il a insisté. Et à la fin, c'est lui qui donnait les cours. La ilaha illallah. Regardez, sta'in billah. Il y avait une personne aussi avec Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il était dans une assise avec lui. Il lui a dit, toi. Il lui a dit, il y avait une personne qui était avec lui, à côté de lui. Et il lui disait quoi? Il lui faisait la traduction du dars de Cheikh Al-Uthaymin, en direct. Il dit, qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il parle avec toi, lui? Il dit, je lui traduis, Cheikh. Il a dit, viens, mon fils. Il a dit, viens, c'est toi là, devant. Il dit, tu veux, tu ne comprends pas l'arabe? Il lui dit, non, je ne comprends pas l'arabe. Il dit, allamakallahu l'arabiya. Qu'Allah t'enseigne la langue arabe. Cette personne-là, il a insisté. Maintenant, c'est un prof d'arabe. Regardez la dua du alim. Subhanallah. Donc, il ne faut pas revenir à quoi? À son intelligence. Il faut revenir à quoi? Avec l'acharnement que toi tu donnes. Avec, et surtout, l'imploration d'aide d'Allah. Jalla wa'ala. Quand tu as un verset, tu ne le comprends pas. Ya akhi, demande à Allah. Jalla wa'ala. Cheikh al-Islam, quand il ne comprenait pas, il allait dans le désert. Il prenait du sable comme ça. Il le mettait sur sa tête et disait Ya mu'allima Suleiman, Ya mu'allima Ibrahim, allimni, wa ya mufahima Suleiman, fahimni. Il disait, toi qui enseignais Ibrahim, fais-moi, enseigne-moi. Hein, comme tu enseignais, et toi qui as fait comprendre la chose à Suleyman, fais-moi comprendre la chose. Regardez, Cheikh al-Islam, il demandait l'aide d'Allah. Et Cheikh al-Islam, il fermait les yeux quand il faisait un dars, il fermait les yeux, et il disait, les gens qui étaient autour de lui, il disait, Wallahi, il prenait de la science ce qu'il voulait. C'est comme si alors là, il a pris Sahih al-Bukhari, il a pris là. Hein, ensuite il a pris le verset du Coran, ensuite il a pris l'explication de ce hadith là, ensuite il a comme ça, comme si la science elle était devant lui. Pourquoi? Parce qu'on a dit, le premier sabab c'est quoi? L'imploration d'aide d'Allah. Implore l'aide d'Allah. Tu veux partir même d'ici, tu veux apprendre, rouh, demande à Allah, implore l'aide d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui qui aide. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, celui qui s'en remet qu'à Allah, hein, celui qui s'en remet que à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffira. Allah, il te suffit. Allah, il te suffit. Et Allah, jalla wa'ala, nous dit, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et c'est à Allah qu'il faut que vous fassiez... c'est à Allah qu'il faut faire confiance. Qu'il faut s'en remettre. إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Si vous êtes vraiment des croyants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, idha sta'anta fasta'in billah. Nous Allah al-musta'an, est-ce que tu as déjà demandé l'aide d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wasallam, il te dit, idha sta'anta fasta'in billah. Moi j'ai dit, mais des fois c'est vrai que nous on sta'in même pas. C'est-à-dire on implore même pas l'aide d'Allah. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, si tu demandes l'aide d'Allah, et que la meilleure des pourvoyances, le meilleur des risques, c'est quoi? C'est l'ilm. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est à quelle heure, Zohr? 49. Ça veut dire qu'il est 50, là, ça? Taïb, encore. Taïb. Ça, c'est le premier, hein, la première cause qui va t'aider pour talab al-ilm. On le répète, c'est quoi? C'est... Non, dites le mot en arabe, vous allez apprendre des mots en arabe un peu. Allah, voulez. Isti'ana, zidou, plus fort. Tous en même temps. Isti'ana biyesh. Billah, jalla wa ala, mashallah. Ça, c'est le premier. Le deuxième, al-ikhlas. Qu'est-ce que ça veut dire l'ikhlas? La sincérité. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. Le prophète Allah جل وعلا nous dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. Mukhlisin. Il n'aura été ordonné que d'adorer Allah, Jalla wa Ala, mukhlisin, c'est-à-dire avec sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ad-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Le prophète alayhi salatu wasalam dit: Innama al-a'malu bin-niyyat. Certes, les actes ne valent que par quoi? Que par leur intention. فالواجب علينا أن نجعل نياتنا لله جل وعلا خالصة له خالصة له وأن نكون على حذر من الرياء في هذا العمل العظيم واسمعوا إلى أقوال سلفنا في ذلك من هذه الأقوال قول سفيان الثوري ما علجت شيئا أشد على علي من نيتي. Ce qui nous est rendu obligatoire à tous, donc, c'est d'avoir une intention sincère. Après que tu as demandé l'aide d'Allah, il faut que tu aies une intention sincère pour cette œuvre-là. Pour cette œuvre-là, pourquoi ? Parce que si tu étudies, si tu as le malheur d'étudier, je dis bien le malheur, d'étudier pour qu'on dise de toi que tu as étudié, eh bien c'est mieux, je dis bien c'est mieux, et c'est mhouli, hein, c'est mieux que tu ailles jouer au foot. C'est mieux que tu ailles jouer au foot, que tu ailles faire des... T'ailles faire quelque chose d'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que Wallahi l'azim que les gens qu'ils ont étudié et qu'ils ne l'ont pas fait pour Allah, Jalla wa Ala, Wallahi, ça s'est vu dans leur a'mal. Ça s'est vu dans leur a'mal. Ils n'y ont pas de baraka. Il n'y a pas de baraka, c'est-à-dire de bénédiction d'Allah Jalla wa Ala. Regardez qu'est-ce qu'il dit Sufyan al-Thawri. Il dit ma alajtu shay'an. Je n'ai pas lutté contre une chose plus dure pour moi que de quoi? Que mon intention. Ça veut dire ce kalam là, ça veut dire cette parole là veut dire que le vrai croyant, c'est celui qui combat son intention. Dans quoi? Dans cette œuvre-là. Mais celui qui a déjà pris part, celui qui a déjà pris part et qui a déjà pris une intention et qu'elle est mauvaise, Wallahi ya akhi, c'est très très grave. Des gens qu'ils utilisent pour qu'on dise de lui. Des gens que quand ils vont écrire une feuille, ou quand ils vont faire quelque chose, ou quand ils vont se mettre dans le premier rang, juste pour qu'on dise de toi que tu es. La hawla wa la quwwata illa billah. Toi, peut-être que tu trompes les gens, mais Allah, tu ne peux pas le tromper. Allah, il te voit. Allah, il voit ton cœur. Allah, il sait que lorsque tu vas écrire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu vas écrire une parole d'un savant et que tu vas vouloir l'expliquer, Allah, il sait que tu es en train de le faire. Il sait pour qui tu le fais. Il sait Allah. Allah Jalla wa Ala, il sait tout. Quand tu prends un livre, quand tu prends le Coran et que tu vas ahfad le Coran, et quand tu ahfad le Coran, que devant toi c'est les gens, et c'est pas Allah Jalla wa Ala, que tu fais pas cette chose-là pour Allah Jalla wa Ala, Allah il le sait. Allah il le sait. Il sait les versets que tu es en train d'apprendre, il sait pour qui tu les apprends. Qu'Allah il nous protège. Le croyant, il doit tout le temps lutter contre ça. Tout le temps. Al-ikhlas, al-ikhlas. Wallah, on ne le répète pas assez. Wallahi, qu'on ne le répète pas assez. Mujahid et d'autres salafs disaient talabna al-ilm wa ma lana fihi niyya thumma razaqa Allahu niyya ba'd. Mujahid disait, ainsi que des autres salafs, il disait, nous avons appris la science. Et on n'avait pas d'intention au départ. Pas d'intention particulière. Mais ensuite, Allah nous a donné. Nous a donné et nous a accordé ce bienfait-là d'avoir une intention. L'imam Zahabi, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Zahabi, qui était un élève de Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ey, c'est-à-dire, Talabuhu bilaniya, diniya, wala dunyawiya. بل محبة في العلم إذ الجهل تأباه النفوس الزكية. Regardez ce qu'il dit l'imam al-Zahabi, il dit qu'ils ont pris, ils ont appris la science, ils ont appris la science, non pas avec une intention de ce bas monde, et ni de l'au-delà, ni pour l'au-delà. Ils n'avaient pas une niya particulière, ils n'avaient pas une intention particulière. Bal mahabbatan fil ilm, mais plutôt que par amour pour la science. Pourquoi ? Parce que le jahl, c'est-à-dire l'ignorance, hein, l'ignorance est refusée des cœurs qui sont bons. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire si ton cœur il est bon et que tu fais ça par amour de la science, Allah Jalla wa'ala va te donner, il va t'aider à avoir une bonne niya. Allah il va t'aider à avoir une bonne niya. Et l'imam Daraqutni rahimahullah ta'ala, il disait talabna al-ilma li ghayrillah fa aba an yakuna illa lillah. On a appris la science, mais on ne l'a pas appris pour Allah. Mais cette science ne pouvait être que pour Allah. C'est ça, non? Mais Allah n'a voulu que ce soit que pour lui. Ah, moi je l'ai aouj alors. Mais Allah n'a voulu que ce soit que pour lui. Subhanallah al-Azim. Mais dans le ma'na, c'est-à-dire dans le sens de ce hadith-là, les savants ont dit au ma'na dhalik anna at-talib qad yakunu fi nafsihi hadhun min hubb at-tasaddur fa idha awghala fi al-'ilm wa qara'a an-nusus was-siyar kana mimman arada Allah bihi al-khayr kullama zada min al-'ilm kullama zada min ar-ruju' ila Allah fal-'ilm raddahu ila rushdi. Donc les savants ont expliqué cette parole-là en disant que l'étudiant, au départ, il se peut qu'il ait un amour pour ce bas monde, un amour de célébrité, mais que le fait qu'il est resté et qu'il a insisté aux études et qu'il s'est acharné à étudier bien comme il le faut et qu'il ait lu beaucoup de textes ainsi que beaucoup de biographies, cela a fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rejeté de la science et que cette science-là était utile car elle a fait de lui qu'il est revenu vers Allah. Hein? Et plus il a rajouté cela, plus il est revenu vers Allah et plus il est revenu vers la droiture. C'est vrai, des fois au départ, il y a des gens qui étudient, ils n'ont pas vraiment une bonne intention ou alors leur intention c'était un mélange. Et avec le temps, à force de lire, et à force de comprendre, il a appris c'était quoi ? Il a appris c'était quoi ? La science. Il a appris c'était quoi ? La science, et que cette science-là ne pouvait être que pour Allah Jalla wa'ala. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, cette science-là ne l'acquérera que celui qui l'a fait, hein, vraiment, pour Allah Jalla wa'ala. Des frères, je suis fatigué. On s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.